On commence ? Ok. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va terminer maintenant le livre de عقيدة السلف وأصحاب الحديث du Cheikh al-Islam, al-Imam Abi Othman Ismail ibn Abd al-Rahman al-Sabouni. Et donc on est arrivé à un passage où le Cheikh il dit, ben avant de dire ça par exemple, je voudrais juste m'excuser tout à l'heure parce que je suis allé visiter une maktaba, une librairie d'un frère, et puis je croyais que j'aurais pu rester 30 minutes seulement et revenir. Malheureusement, yani, j'ai trouvé tellement de bons livres dans sa librairie que j'ai dépassé le temps et donc j'ai pas pu venir à temps pour compléter notre dars tel que prévu, yani. Donc ça je m'en excuse, mais on va terminer quand même maintenant, inshallah. Le Cheikh il dit وَمَنْ تَمَسَّكَ الْيَوْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول المصطفى قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل 50 أو بل منكم، يعني 50 منكم، وهو حديث حسن. donc ce hadith là, le cheikh il mentionne une parole en fait qui est basée sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est hasan. Ce hadith, le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui s'accroche aujourd'hui à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui agit selon la sunna et qui se met droit sur la sunna et qui appelle les gens à la sunna, eh bien, il aura la récompense, une très grande récompense. Il aura même une récompense plus grande que ceux qui ont suivi la sunna à l'époque du début de l'islam et du début de la religion. Hein? Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aura la récompense de 50. Et les sahaba ont demandé, est-ce que c'est la récompense de 50 d'entre eux, c'est-à-dire 50 d'entre les gens de cette époque-là, ou bien 50 d'entre nous? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bal minkum, c'est-à-dire il aura la récompense de 50 d'entre les sahaba pour s'accrocher à la religion dans une époque où la sunna est oubliée ou négligée, ou où il y a beaucoup d'ignorance et de bid'ah. Et bien celui qui va s'accrocher à la sunna durant cette période-là va avoir la récompense de 50 parmi les sahaba. Donc ça c'est quelque chose de vraiment important. Et le texte du hadith au complet c'est inna min wara'ikum ayyam as-sabr lil mutamassiki fihinna bima antum alayhi lahu ajru 50 minkum. C'est ça le hadith. C'est-à-dire après vous il y aura les jours de la patience ou les jours de l'endurance. Celui qui s'accroche durant ces jours-là à ce sur quoi vous êtes aujourd'hui, en parlant des Sahaba, il aura la récompense de 50 d'entre vous. D'accord? Et ensuite, le cheikh, il continue. Il dit, وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِهِ. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça uniquement pour celui qui s'accroche et qui reste, qui agit selon sa sunnah lorsque sa umma va commencer à se détériorer et à se corrompre, lorsqu'il y aura beaucoup de désordre dans la umma. Le cheikh, il continue, Abu Osman, il dit, وَجَدْتُ فِي كِتَابِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْإِمَامِ جَدِّي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ ابْنُ عَدِي ابْنُ حَمْدُوِيَ الْأَصَّابُونِ. C'est son grand-père, subhanallah. رحمه الله. أخبرنا أبو العباس الحسن ابن سفيان النسوي أن العباس ابن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار ابن طاهر قال حدثني معمر أو معمر ابن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. Ça, c'est une narration qu'il a trouvée dans le livre de son grand-père, un des imams de l'islam, parce que son père était un imam et son grand-père était un imam. Donc ça veut dire, Yanni, c'est un des imams, Abu Osman al-Sabouni, il est dans une maison de Il. Donc il dit qu'il a trouvé dans le livre de son grand-père, qu'un des imams, à la fin de la chaîne, ça dit, qu'un des imams, Ma'mar ibn Rashid, a dit, j'ai entendu Ibn Shihab, al-Zuhri, qui disait, apprendre une sunna, c'est meilleur que d'adorer Allah pendant 200 ans. Apprendre une sunna, c'est meilleur que d'adorer Allah pendant 200 ans. Pardon? Il dit quoi? Il dit da'if, ok. Non. Donc c'est pas un hadith, mais c'est une citation de rapportée d'un des salafs. Toutefois, il dit que c'est da'if, ça veut dire dans l'isnad, il y a un des narrateurs qui n'est pas authentique ou qui n'est pas fiable. Donc c'est ça. Ensuite, il dit, أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدهولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه. Donc ça, c'est une narration, c'est une parole qui dit que Abu Muawiya al-Darir était en train de parler en présence de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, c'était un des khulafa de Al-Abbasiyya, c'était un parmi les hukam à l'époque qui aimait beaucoup le hadith et qui respectait les ulama et la sunna. Donc Abu Muawiya al-Darir a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapportait selon Abi Huraira. Ok, il a dit que Adam et Moussa se sont argumentés ensemble, ou se sont disputés ensemble. Disons qu'ils ont discuté et argumenté ensemble sur un certain sujet. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsque Abu Muawiya al-Darir a mentionné ce hadith, il y a un qui était présent là-bas, qui s'appelle Ali ibn Ja'far, Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment est-ce que Adam a pu discuter avec Moussa alors qu'on sait la, le temps qui les sépare? On sait le temps qui sépare Moussa avec Adam. Hein, donc, il a demandé à Ali ibn Ja'far a demandé à Abu Muawiyah ad-Darir, comment ça se peut que Adam a parlé avec Moussa alors qu'entre les deux il y a des siècles qui les séparent? Alors, Harun al-Rashid, lorsqu'il a entendu ça, il a commencé à critiquer Ali ibn Ja'far et lui a dit, comme si en voulant dire, on te mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu t'y opposes en demandant comment. Alors il a continué à le blâmer de cette façon jusqu'à ce qu'il se tait. Donc c'est pour dire que, yani, lorsque les salafs entendaient un hadith, il ne s'opposait jamais au hadith avec la question comment. Il l'acceptait, il se soumettait à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce que c'est des choses, des fois, qui sont peut-être, des fois, pour certaines personnes, ils ne comprennent pas comment ça se peut aller, par exemple, que Adam ait pu discuter avec Moussa. Toutefois, c'est des affaires qui ont rapport avec Al-Ghayb, des choses qui ont rapport avec l'invisible. Et donc, on ne peut pas nier ce qu'on ne connaît pas. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, tant que le hadith est authentique, on n'a pas le droit de le rejeter et de s'y opposer. D'accord? Donc il faut accepter qu'est-ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, وَقَالَ وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَظِّمَ أَخْبَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيُقَابِلُهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Uthman il commente cette citation là en disant c'est de cette façon là que celui qui respecte les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم doit réagir et doit agir envers la c'est-à-dire avec c'est de cette façon là qu'on doit agir envers la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. On doit les accepter, s'y soumettre et y croire. Et la personne qui essaie d'utiliser la méthode, cette méthode comme Ashadulinkar, Wayunkar ou Ashadulinkar, ala man yasluku fiha ghayra hadha at-tariq, ok? Si quelqu'un utilise une façon ou agit prend un comportement ou une attitude différente envers la sunna que celle de Harun al-Rashid, eh bien on doit condamner cette attitude-là et on doit le réprimander d'une façon dure. Si par exemple quelqu'un commence à demander à propos d'une sunna ou d'un hadith comment ça se peut, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui a rapport avec Al-Ghayb, il demande comment est-ce possible, comme si la façon qu'il dit comment, c'est comme si pour dire, il met en doute, ou il rejette, la parole qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça, c'est une mauvaise attitude et un mauvais comportement envers le hadith et envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'attitude du musulman qui est sur la sunna, c'est qu'il accepte la parole qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il se soumet. Et c'est comme ça qu'il doit agir envers tout ce qui est apporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'accepte. Et il ne pose pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa raison, ou avec ses opinions personnelles, ou avec ses goûts, ou avec toute autre chose qui pourrait l'amener à rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la fin de la risala. Le cheikh il dit pour terminer, وَجَعَلَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc il dit que Allah nous mette parmi ceux qui entendent la parole et qui suivent ce qu'il y a de mieux dedans et qui s'accrochent dans leur dunya lorsqu'ils sont en vie sur cette terre au Coran et à la Sunna et qu'il nous écarte des passions qui égarent et des opinions qui sont yani, blâmables ou mauvaises ou qui sont yani, contraires à la vérité et yani, il nous dit que si on est capable de suivre ça, en fait, c'est une grâce et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la paix et le salut soient envoyés sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur sa famille, hein, et ainsi que le salut. Naam, Inch'Allah. Donc, il y a un point aussi que j'aurais voulu juste mentionner rapidement un certain sujet. Naam. Là, on a terminé le livre, alhamdulillah. Allah nous a permis de terminer ce livre. Et puis, il y a beaucoup de bienfaits dedans. Si vous le comprenez, si vous appliquez ce que vous avez appris dans ce livre-là, alhamdulillah, vous allez être sauvé de l'égarement, sauvé des bid'ahs et protégé. Et vous allez être sur la sunna, inshallah. Il y a un certain point qu'on a mentionné dans le livre lorsqu'on parlait des signes des gens de la sunna. Et qu'on disait que c'est parmi ces signes-là, c'est qu'ils aiment les ulama de la sunna et les gens qui sont sur la sunna. Et il y a même aujourd'hui, ça s'applique. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, si on voit que des gens parmi des gens de bid'ah, ils ont quelque chose contre un imam ou un alim parmi les ulama de notre époque qui représente Ahl Sunnati wal Jama'a. Et qui se sont accrochés à la sunna et qui ont combattu les bid'ahs et qui sont connus par cette caractéristique-là aujourd'hui, eh bien, ceux qui s'opposent à ces ulama-là et qui les détestent, eh bien, c'est un signe aujourd'hui de leur innovation et de leur égarement à eux aussi. Et parmi les ulama de notre époque, il y en a qui ont dépenser de leur temps et de leur énergie et de leur patience, yani, pour élever la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour la défendre et pour, yani, réfuter les gens d'innovation, de bid'a et de déviation et d'égarement. Et, bien entendu, parmi ces ulama-là qui sont les plus connus, les plus respectés, parmi les gens d'Ahl Sunna wal Jama'a, il y a le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ok, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il est encore en vie maintenant. C'est un des ulamas de notre époque qui a dépensé yani, de son temps, de son énergie, de sa connaissance, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni de plusieurs façons pour connaître bien et avec une bonne compréhension, une bonne connaissance, pour être capable de réfuter et de répondre aux innovateurs, aux jeunes bid'ah qui inventent des mensonges, qui changent, qui déforment la vérité, hein, qui amènent toutes sortes d'innovations. Hein, il a réfuté les livres et les écrits de plusieurs parmi les jeunes bid'ah comme Sayyid Qutb et beaucoup d'autres également sur plusieurs points. Okay. Et à cause de ça, il s'est attiré les foudres des jeunes bid'ah et en fait la haine et la colère des hizbiyyin et des groupes et des jama'at qui appellent à la bid'a et à toutes sortes d'idées qui sont contraires à la sunna. Donc, yani, comment je pourrais dire, de mon côté, à moi, personnellement, j'ai vu Cheikh Rabi' déjà, je peux dire que je l'ai déjà vu en personne. Mais je ne peux pas dire que je l'ai vraiment rencontré en personne, par contre, parce que je l'ai vu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu faire la salat. Mais j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de le rencontrer en personne. D'accord? malgré que j'ai failli le rencontrer à plusieurs reprises. La première fois, il y a des frères qui voulaient m'amener pour aller le rencontrer. Cheikh Rabi' Ibn Radi. Une fois, des frères m'ont invité, des frères de l'Angleterre, quand j'étais à Médine, ils m'ont invité pour aller le rencontrer chez lui. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, en route, lorsqu'on s'en allait chez lui, eh ben, il y a des frères qui revenaient de là-bas, et puis qui nous ont dit que, yani, on pouvait pas y aller. Que, yani, il y avait un empêchement, quelque chose, je me rappelle plus exactement. Donc, on est retourné à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas pu aller chez lui pour le voir. Donc c'est juste un exemple des circonstances parfois qui font que on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Toutefois, j'ai connu le Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali par ses livres et par ses écrits. Ok? Et bien entendu, il y en a au Canada et même en Arabie Saoudite. Parmi même certains élèves là-bas, il y en avait beaucoup qui essayaient d'éloigner les gens de lire ses livres, qui racontaient toutes sortes de mensonges à son sujet, qui racontaient toutes sortes d'histoires à son sujet. Et celui qui sait pas, celui qui n'a pas lu, celui qui n'a pas entendu, le cheikh, s'il écoute seulement ses racontages, qu'est-ce que les gens racontent à ce sujet-là, il risque facilement de se faire détourner, de se faire éloigner de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est bon pour eux. D'accord? Donc c'est très important parfois, Yanni, de faire attention à tout ce qui peut être raconté par des gens. Subhanallah, les choses que les gens racontaient, quand je me rappelle quand je suis allé en Arabie, quand je suis allé en Arabie Saoudite, la première fois quand j'étais accepté à Médine, il y a des sourouriens à Montréal, les gens qui sont sur la vid'a des sururiya, ils nous disaient, fais attention à Médine, il y a des munafiqin, et il a cité le verset, « وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ » Et lui, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait aux ulama qui sont sur la sunna, et donc il voulait essayer de me mettre en garde de ceux qui suivent la sunna. Et c'est un Saoudien qui m'avait dit ça. Donc c'est juste pour vous dire, yani, comment des fois les gens vont loin dans les accusations et dans les, yani, dans les, des fois même de façon très subtile, comment ils peuvent essayer de mettre en garde quelqu'un contre une autre personne, mais sans vouloir réellement le dire clairement. Yani. De toute façon, j'ai entendu les paroles des ulama, que les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont dit à propos de cet imam. Qu'est-ce que Ibn Baz, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz a dit à son sujet? Qu'est-ce que Muhammad Nasiruddin al-Albani a dit à son sujet? Qu'est-ce que Cheikh Salih Ibn Uthaymeen a dit à son sujet? Qu'est-ce que Salih al-Fawzan a dit à son sujet? Qu'est-ce que le Cheikh Muqbil Ibn Hadi a dit à son sujet? Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, ce qu'il a dit à son sujet, et tous les autres ulama, salafiyim qui sont bien connus, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet du cheikh Rabi'. Et puis quand j'ai entendu ça, yani, j'ai compris que ça c'était un des imams de Ahl Sunnah, et donc j'étais en confiance totale à propos de cet imam. Comment on pourrait avoir des doutes ou critiquer quelqu'un qui a été yani, élevé et mentionné en bien de la part de tous ces grands ulama de l'islam. Et donc j'ai commencé à lire les livres du cheikh Rabi' sur plusieurs des livres qu'il a écrits. Et dans tous les livres qu'il a écrits, mashallah, je peux dire que j'ai trouvé que ces livres étaient remplis de guidance, de lumière, de clarté, de force, yani, dans la réfutation des gens de bid'ah, d'arguments, de clarté. Donc yani, j'ai compris tout de suite par la suite pourquoi les gens de Bid'a et de Hizbiya et les gens des Jama'at, pourquoi ces gens-là yani, essayaient tellement de rabaisser et d'écraser Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. C'est à cause justement qu'ils savent que justement si les gens commencent à l'écouter ou écoutent qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il écrit dans ses livres, ils vont tout de suite voir que ce qu'il dit c'est la vérité et que ce qu'il explique c'est la vérité. Et n'importe qui, même qui entend les commentaires de qu'est-ce que Cheikh Al-Albani a dit à propos de Cheikh Rabi', il a dit ceux qui critiquent Cheikh Rabi', ils ne le critiquent pas avec aucune connaissance. Il dit la connaissance est avec Cheikh Rabi'. Aïna. Donc c'est ça. Et ça c'est un exemple de qu'est-ce que Cheikh Rabi' a dit. Il dit j'ai lu les livres de Cheikh Rabi' et j'ai pas trouvé dedans aucune erreur. Dans les critiques qu'il fait au sujet des gens de Bid'a. Donc c'est pour dire, subhanallah, que les gens qui critiquent, souvent c'est des gens qui suivent leur passion et leur désir. Ils ne critiquent pas avec ilm et avec adab et avec respect. Donc je voulais vous lire peut-être quelques exemples des paroles des imams, qu'est-ce que certains ulama ont dit à son sujet, juste pour faire comprendre. Il y a des frères qui m'appellent de France, mais malheureusement ils m'appellent toujours au mauvais moment. Donc, ils pourraient me rappeler après le DAS, ce serait mieux. En tout cas, premièrement, on va lire quelques citations du Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il a dit à propos du Cheikh Rabi'a, ok. شيخ ابن باز رحمه الله إلى دي فقد سئل رحمه الله عن الشيخ ربيع ابن هادي والشيخ محمد أمان فقال بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي كلاهما من أهل السنة معروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة وقد توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافقة 27 من شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يغفر للفقيد الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه. ولما في رضاه وصلاح أمر عباده إنه هو السميع القريب. Ça c'est dans une réponse qu'il a donnée lorsqu'on lui a posé les questions au sujet du Cheikh Rabi' ibn Hadi et du Cheikh Muhammad Aman al-Jami. Il a dit en ce qui concerne les deux grands ulama, Fadilatu Sheikh Muhammad Aman al-Jami et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ce sont deux parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils sont tous les deux connus pour leur science et leur mérite et une aqidah saliha, c'est-à-dire une bonne aqidah. Et là, il parle du décès du Cheikh Mohammed Aman, et il dit, je conseille et je demande à tout le monde de profiter des bienfaits qu'il y a dans leur livre, al-istifada, de prendre tout le bien qu'il peut y avoir dans leur livre. Et je demande à tous, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à tous le succès d'arriver à acquérir tout ce qui peut amener la grâce et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il pardonne au Cheikh Mohammed Aman, etc. Donc ça c'est un exemple de citation du Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. « وقال الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة » معروف أنه من أهل السنة ومعروف كتاباته ومقالاته. Ça c'est que Cheikh Ibn Baz a dit. Il a dit que le Cheikh Rabi' fait partie des meilleurs parmi les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, min khayrati Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et il est connu comme étant parmi les gens d'Ahl al-Sunnah, et il est connu pour ses livres et qu'est-ce qu'il dit également. Donc alhamdulillah. Et il a dit ensuite, Rahimahullah, nos frères, Ikhwanuna al-Mashaykh al-Ma'roufuna fil Madina, laysa indana fihim shak. Hum min ahl al-Sunnah, min ahl al-Hum, ahl al-Aqidati al-Tayyiba, min ahl al-Sunnati wal-Jama'a, مثل الشيخ محمد أمان ابن علي, والشيخ ربيع ابن هادي, أو مثل الشيخ صالح ابن سعد السحيمي, والشيخ صالح بن نافع الفيزي ومثل الشيخ محمد بن هادي كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، ولكن دعاة الباطل هم الصيد، هم أهل الصيد في الماء العكر، هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا وكذا، وهذا ليس بجيد. Donc il répond à des gens qui lui ont posé au sujet du Cheikh Rabi' et des ulama qui sont à Médine à cette époque-là, quand il y avait une certaine fitna qui était arrivée. Donc le Cheikh il dit, les chouyoukhs de Médine, je les connais, ils sont bien connus, hein, et on n'a aucun doute sur eux. Ce sont des gens, des gens qui ont une aqida qui est bonne parmi les gens d'Ahl Sunnah, comme le Cheikh Mohamed Aman, le Cheikh Rabi', le Cheikh Salih Suhaimi, et Salih ibn Nafi', ça c'était à l'époque, bien entendu, ou Cheikh Mohamed ibn Hadi, Masha'Allah, kulluhum, ils sont tous connus de moi comme étant des gens droits, qui ont le ilm, une aqida qui est bonne, hein, mais c'est les du'at qui appellent à l'égarement et à la fausseté, qui yani, font du tashwish, qui dérangent les gens et qui parlent de toutes sortes d'affaires qui sont yani, contraires et qui essaient de donner aux paroles du Cheikh des mauvaises significations. Yani. Parce que qu'est-ce qui était arrivé en fait, c'est que Cheikh Ibn Baz, il avait donné une nasiha à propos de certaines du'ats yani, pour leur dire de pas essayer de faire, pour leur dire d'arrêter de faire de la fitna. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Hizbiyyin et les Sururiyyin en Arabie Saoudite, ils ont commencé à prendre les paroles du Cheikh Ibn Baz pour essayer de dire, ah, le Cheikh Ibn Baz parlait de ceux-là, des ulama de Médine, des chouyoukhs qui sont à Médine. Et à la fin, Cheikh Ibn Baz, il a fait un bayan, il a clarifié, il a dit non, les gens de, les ulama de Médine sont des Ahl Sunnah, ils sont bien, et ceux qui font la fitna, c'est les, justement, c'est les autres, il y en a qui font la fitna, qui dérangent les gens avec ces paroles-là. Et il a dit, dans une autre citation qui est mentionnée, « قَدْ سَمِعْنَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْمُبَارَكَةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخ رَبِيعِ بْنُ هَادِي الْمَدْخَلِ فِي مَوْضُوعِ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْحَذَرِ مِمَّا خَالَفَهُمَا والحذر من أبواب التفرق والاختلاف والتعصب للأهواء، ولقد أحسن وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته. Donc il, dans une conférence qu'il avait donnée une fois, Cheikh Rabi avait donné une conférence et le Cheikh Ibn Baz était là présent avec lui, et après qu'il ait terminé de donner cette conférence, le Cheikh Ibn Baz a dit, nous avons entendu la parole bénie de qu'est-ce que le Cheikh Fadilat al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali a dit au sujet de s'accrocher au Coran et à la Sunnah, et d'éviter que ceux qui s'opposent à ces, au Coran et à la Sunnah, et également d'éviter toutes les choses qui peuvent ouvrir la porte à la division, aux divergences, et le fait de s'accrocher ou de se tenir sur les passions ou sur les bid'ahs. Et il a bien expliqué, il a bien parlé, il a donné beaucoup de fawa'id, et qu'Allah le récompense et lui donne une bonne récompense et augmente et multiplie ses mérites et sa récompense pour qu'est-ce qu'il a fait. Et également il dit, وَمَا ذَكَرَهُ فَضِيلَةُ الشَّيْخ رَبِيعَ عَنْ دَعْوَةِ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدُ الْوَهَابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ اللَّهَ مَنَّ هَذِهِ الْبِلَادِ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ وَهِيَ الدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةِ ولكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا الوهابية المبتدعة التي فعلت وهم الضالون المبتدعون وهم ما بين جاهل أو من مقلد جاهل أو من قلد جاهلا إما جاهل وإما مقلد الجاهل مقلد لجاهل وإما ثالثهم متبع لهواه الذي يعصي الله على بصيرة وهؤلاء عباء الدعوة السلفية إما جاهل أو إما مقلد لجاهل وإما صاحب هوى متعصب لهواه يريد المآكل ويريد إرضاء الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه نسأل الله العافية. Donc le Cheikh encore une fois il dit que فضيلة الشيخ ربيع quand il a parlé de la دعوة du Cheikh Mohamed Abdul Wahhab رحمه الله, il a dit que ça c'est la réalité, qu'est-ce que le Cheikh Rabi avait mentionné, il a dit ça c'est la réalité, Allah a béni ce pays, l'Arabie Saoudite, avec cette da'wah qui est bénie, la da'wah salafia. Mais les ennemis de cette da'wah, c'est eux qui disent ah ça c'est des wahhabiyas, ce sont des innovateurs, ils ont fait ça, ils ont fait ça, alors qu'en réalité ce sont eux les égarés et les innovateurs, et ils sont soit ignorants, ou c'est soit que ce sont des ignorants, ou des gens qui suivent un ignorant. Soit qu'il est ignorant lui-même, ou qu'il suit quelqu'un d'ignorant. Ou bien un troisième, c'est-à-dire celui qui suit ses passions, et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance. Donc ceux-là sont les ennemis de la da'wah salafiyya. Voici leur description. C'est soit qu'ils sont des ignorants, ou des gens qui suivent des ignorants, ou des gens qui suivent leurs passions, et qui s'accrochent, hein, qui veulent suivre fanatiquement leurs désirs et leurs passions. Et ils veulent manger, ils veulent y aller utiliser le, qu'est-ce qu'ils y aller leur en fait qu'est-ce qu'ils font, y aller, ils prétendent qu'ils appellent à l'islam mais en fait c'est déjà des bid'ah, et ils veulent utiliser qu'est-ce qu'ils font comme pour l'islam pour manger et pour satisfaire les gens et y aller pour arriver à obtenir sa subsistance, ma'kalihi wa mashrabihi. Donc il utilise la religion comme un moyen pour se remplir le ventre et pour boire. وفيها أن وأن يوفق صاحب فضيلة الشيخ ربيع لكل خير. Donc il mentionne encore des belles descriptions du Cheikh Rabi à ce sujet-là. Et des fois, qu'est-ce que le Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il faisait souvent quand il écrivait un livre, soit pour réfuter cette photo ou d'autres parmi les gens de Bid'a, il envoyait toujours une copie du livre aux ulama avant de le faire publier, pour que les ulama le lisent, pour voir s'il y a des commentaires à faire, ou des choses à corriger, ou des choses de ce genre. Et à chaque fois, il envoyait le livre, et il recevait par la suite le livre qu'il avait écrit avec des commentaires. C'est pour ça que vous allez trouver que la plupart des livres qui sont publiés maintenant, du Cheikh Rabi, à l'introduction du livre, il y a toujours à l'introduction les commentaires des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet du livre. Hein? Donc, mashallah, comme par exemple, le Cheikh Rabi, il avait écrit un livre, il a envoyé une copie au Cheikh Ibn Baz pour qu'il le lise avant. Et le Cheikh Ibn Baz, il l'a donné au Cheikh Abdul Aziz al-Rajhi, qui est un de ses grands élèves, pour le reviser. Parce que lui, il n'avait pas été capable de le faire, soit parce qu'il avait eu peu de temps, ou bien pour une autre raison. Donc, il a donné à ce cheikh, à son élève, Abdul Aziz al-Rajhi, pour qu'il le relise. Et voici la réponse qu'il a eue au sujet de son livre. C'est min Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ila hadarat al-akh al-mukarram sahib al-fadila al-doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali waffaqahu Allah lima fihi ridahu wa zadahu min al-ilm wal-iman. Amin. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أما بعد فأشفع لكم رسالة جوابية من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حول كتابكم منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، لأني قد أحلته إليه لعدم تمكني من مراجعته، فأجاب بما رآه حوله وقد سرني جوابه والحمد لله، فأحببت اطلاعكم عليه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جواد كريم. Donc il a dit, Cheikh Ibn Baz, il dit qu'il transmet la lettre qu'il a donnée comme réponse يعني du Cheikh Abdul Aziz al-Rajhi au sujet du livre la méthodologie des gens de la Sunna et de la Jama'a dans la critique des personnes, des livres et des groupes. Ça c'est un des livres de Cheikh Rabi, hein, qui est très intéressant en fait. C'est un des très bons livres que j'ai lu à ce sujet-là. Et le Cheikh il dit que il a donné le livre au Cheikh Al-Rajhi parce que lui-même il n'avait pas eu le temps de le reviser, et le Cheikh Al-Rajhi lui a donné une bonne réponse, une réponse qui l'a réjoui yani, à propos du livre. Donc il a dit Alhamdulillah. Et donc il lui a envoyé la lettre et le cheikh Ar-Rajhi a répondu favorablement au sujet de ce livre. Au sujet de la réponse, hein, le cheikh il dit وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه إزحاق الأباطيلي عبد اللطيف باشميل. Il dit لقد زرت سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله فنصحني بالرد على كل مخالف للحق والسنة ونعمة النصيحة فما أعظمها وأوجبها على من يستطيع القيام بها. Il dit, quand il a écrit dans l'introduction de son livre « Ithaq al-Abatili Abdul Latif Bashmel », ça c'est un livre qu'il a écrit, quand il a réfuté Abdul Latif Bashmel, il a dit « J'ai visité le Cheikh Bin Baz et Cheikh Bin Baz m'a donné le conseil de réfuter toute personne qui contredit la vérité et la sunna. » Et quelle belle nasiha, et comme elle est grande, et comme elle est obligatoire pour celui qui est capable de le faire. Après, il dit, وقد سمعت بأن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول مخاطبا الشيخ ربيع يا شيخ ربيع رد على كل من يخطئ ولو أخطأ ابن باز رد عليه ولو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه وأثنى عليه ثناء عاطرا والله على ما أقول شهيد. Et il dit, j'ai entendu Bi'udunay, il dit, et j'ai entendu, et là c'est le frère qui a écrit le livre, je pense qu'il dit ça, c'est Khalid ibn Dahawi al-Zufayri, il a écrit, il a rassemblé ces paroles-là, il a dit, j'ai entendu avec mes deux oreilles le Cheikh Rabi' rahimahullah qui disait en parlant au Cheikh Rabi', il dit, oh Cheikh Rabi', il dit, réfute à toute personne qui fait des erreurs, même si c'est Ibn Baz qui fait des erreurs, réfute-le. Même si c'est Ibn Ibrahim qui fait des erreurs, réfute-le. Ibn Ibrahim, c'est le cheikh de Cheikh Ibn Baz. Hein? Et il a parlé en lui de bien, il a mentionné des bonnes choses à son sujet. وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَمَاحَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ بِالتَّدْرِيسِ فِي مَسْجِدِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَشْهُرٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تُوَفِّيَ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ. Donc, yani, Cheikh Rabi, en plus, il fait partie des grands élèves de Cheikh Ibn Baz. Et parmi les plus anciens de ses élèves. Et avant sa mort, le Cheikh Ibn Baz a permis au Cheikh Rabi de donner des durus dans la mosquée du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis masjidihi. Je pense qu'il parle de sa mosquée, la mosquée du Cheikh Ibn Baz, oui. Il lui a permis de donner des durus dans sa mosquée avant sa mort. Et ça montre que lorsqu'il est décédé, il était satisfait de lui. Ensuite, il y a les paroles du Cheikh Al-Albani. وقد وجه سؤال إلى الشيخ الألباني في شريط اللقاء مع أبي الحسن المأربي مع الألباني. Après, c'est des questions qui ont été posées à Abu al-Hasan al-Ma'ridi lorsqu'il a eu une rencontre avec Cheikh al-Albani. Il y a un commentaire ici à ce sujet-là. قد ظهر في الآونة الأخيرة سوء ما ينطوي عليه أبو الحسن من كيد للدعوة السلفية وحرب لها ولعلمائها وأهلها فينطبق عليه قول الشيخ الألباني رحمه الله هنا إما جاهل أو صاحب هوى ولا أخاله إلا الأخير فنستعيذ بالله من شره. Donc, il dit que par la suite, le commentaire à ce sujet-là, c'est que Abu al-Hasan al-Ma'ridi, il dit que finalement par la suite on a vu apparaître de lui beaucoup de choses mauvaises et de ruses contre la da'wa salafia et une guerre contre ces ulama et les gens qui s'accrochent à la da'wa salafia. Donc il dit que la parole du Cheikh Al-Albani lorsqu'il a dit à propos de Cheikh Rabi' que celui qui s'oppose à lui c'est uniquement un ignorant ou une personne qui suit ses passions, il dit donc que ça s'applique à Abu al-Hasan al-Ma'ribi. Et il dit, en parlant des questions, en mentionnant les exemples qui ont été mentionnés par Cheikh al-Albani, il dit, Cheikh al-Albani avait dit, « إنه على الرغم من موقف فضيلة الشيخين » Ça c'est la question. La question, ça dit, أنه على الرغم من موقف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومقبل بن هادي الوادعي في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة يشكك بعض الشباب في الشيخين أنهما على الخط السلفي. La question c'était quoi? Il dit, on voit la position des deux chouyoukhs, Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali et Cheikh Muqbil, dans leur position, dans leur djihad contre les bid'as et contre les paroles qui sont des paroles de déviation. Il y en a parmi les jeunes qui mettent en doute la voie salafia de ces deux chouyoukhs-là. Ils doutent de leur position par rapport à la position des salafs. Ou dans leur façon d'agir, dans leur réfutation des gens de bid'ah. Alors le Cheikh Al-Albani il a répondu en disant « Rahimahullah, nahnu bila shak, nahmadullah azza wa jal, an sakhara li hadhihi ad-da'wati as-salihah al-qa'ima ala al-kitab wa as-sunnati ala manhaj as-salaf as-salih du'atun adidina fi mukhtalif al-bilad al-islamiyya يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم فالحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إما يصدر من أحد رجلين إما من جاهل أو صاحب هوى. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il dit, nous, il n'y a pas de doute qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour cette da'wah qui est établie sur le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le manhaj des salaf al-salih. Il a mis des du'ats, des gens qui appellent à cette da'wah dans différents pays dans le monde musulman, et même des fois peut-être à l'extérieur des pays musulmans aussi, dans les différents pays musulmans qui appellent à cette obligation. Il a mentionné comme étant une fard kifa'i, c'est-à-dire une obligation qui n'est pas une obligation pour toute la Ummah, mais que s'il y a une portion de cette Ummah qui établissent cette obligation-là, ce n'est plus obligatoire pour le reste. Et il dit qu'il y a peu de musulmans dans le monde aujourd'hui qui sont en train d'appliquer cette obligation-là. Donc il dit que celui qui essaie de rabaisser le Cheikh Rabi' ou le Cheikh Muqbil, qui sont deux parmi les gens qui appellent au Coran et à la Sunna, et qui appellent à ce que suivaient les salaf salih, et qui combattent tous ceux qui s'opposent à ce manhaj qui est le bon manhaj, comme cela n'est pas caché pour personne, que ce manhaj est la vérité, ça ne peut pas être fait excepté par une des deux personnes suivantes, ou des catégories de personnes suivantes. Soit que c'est une personne qui est ignorante, ou que c'est une personne qui est sur une hawa, c'est-à-dire qui suit une bid'a, et qui suit ses passions. Ensuite, le chef, il continue et il dit, Al-jahilu yumkinu hidayatahu, li'annahu yadhunnu annahu ala shay'in min al-ilm. Fa'idha tabayyana al-ilm as-sahih, ihtada. Amma sahibul hawa, falaysa lana ilayhi sabil. Illa an yahdiyahu Allah tabaraka wa ta'ala, fahaulai alladhina yantaqiduna al-shaykhayn, kama dhakarna, imma jahilun فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. الشيخ il dit quoi? Il dit, l'ignorant, c'est possible de le guider parce qu'il croit qu'il est sur quelque chose de la science. Donc quand on lui clarifie la connaissance, il se remet sur la guidance, parce qu'il était ignorant, il ne savait pas. Une fois qu'il a su, il a suivi la guidance. Mais celui qui est sur une passion, qui suit une bid'a ou une passion, alors on n'a aucun chemin pour le guider ou pour lui montrer quoi que ce soit, parce que c'est soit que Allah subhanahu wa ta'ala le guide et c'est lui seul qui peut le guider. Fa'ha'oula, ceux-là qui critiquent ces deux cheikhs-là, Cheikh Mukbil ou Cheikh Rabir, c'est soit qu'ils sont des ignorants et qu'on doit les éduquer, ou soit que ce sont des gens qui suivent leur passion et donc on cherche le refuge en Allah contre le mal qui est en ces gens-là et on demande que Allah subhanahu wa ta'ala soit qu'il le guide, on demande soit que Allah le guide ou bien soit que Allah brise son dos. Hein? Ça c'est ce que Cheikh Al-Albani a dit à ce sujet-là. ثم قال الشيخ رحمه الله فأريد أن أقول أن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور ربيع أنها مفيدة ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. Il dit, Cheikh Al-Albani, je veux dire que ce que j'ai vu dans les livres de Cheikh Rabi, hein, c'est que ce sont des livres qui sont bénéfiques et je ne me souviens pas d'avoir vu aucune erreur dans ces livres ou qu'il est sorti de la voie et du manhaj, hein, sur lequel on se rencontre avec lui, nous et lui, et sur lequel il nous rencontre, hein, c'est-à-dire le manhaj des salaf. Et ensuite il a parlé également, lorsque Cheikh Al-Albani a réfuté la bid'a des muwazanat. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la bid'a des muwazanat, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, par exemple, qui réfute un mubtadi', quelqu'un qui a quelques bid'a, hein, et qui mentionne les erreurs que cette personne-là a dit ou a faites. Et là, quand on fait ça, la personne nous dit non, il ne faut pas la critiquer parce qu'elle a aussi des bonnes œuvres qu'elle a faites ou des bonnes actions. Donc ils utilisent la balance, comme ils appellent, muwazanat, c'est la balance. On dit qu'il faut peser entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Et s'il a plus de bonnes actions, il ne faut pas mentionner ses erreurs et ses péchés. Ça c'est une des formes de bid'a qui a été inventée par certains de notre époque parmi les muqtadi'a pour essayer de défendre ou de supporter des gens qui avaient des innovations dans la religion. Donc le Cheikh Al-Albani dans sa cassette qu'il a fait pour réfuter cette bid'a-là, il a dit, وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه وإن كنت أقول دائما. Donc ça c'est le début de sa réponse. Il dit, en résumé, je dirais que la personne qui a soulevé ou qui porte aujourd'hui la bannière du jarh ou ta'dil, hein, c'est-à-dire le jarh ou ta'dil, c'est quand on critique ou bien on veut parler en bien ou critiquer d'un narrateur de hadith ou bien d'une personne qui appelle à l'islam ou quelqu'un qui a rapport avec le da'wah, hein, dans le but par exemple de montrer si par exemple c'est une personne qui n'est pas fiable, une personne qui a des bid'a ou des choses comme ça, on fait al-jarh sur cette personne pour dire pour montrer que cette personne-là doit être évitée. Hein? C'est une science bien connue parmi les sciences de hadith et les ulama ont connu cette science depuis très longtemps, depuis les débuts de l'islam. Donc, il dit Cheikh Al-Albani que ceux qui ont soulevé cette bannière aujourd'hui à notre époque, eh bien, celui qui l'a soulevé cette bannière à notre époque, c'est en vérité notre frère, le docteur Cheikh Rabir. Hein? Et ceux qui réfutent le Cheikh aujourd'hui, ils ne le réfutent pas avec aucune science. Yarhamukallah. Et la science est avec lui. Et la science est avec le Cheikh Rabir. Et wa in kuntu aqulu da'iman wa qultu hadha al-kalam lahu hatifiyan akthar min marra أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقا. Il dit qu'il avait dit qu'il avait parlé même au Cheikh Rabi et qu'il lui avait dit souvent qu'il devait adoucir un petit peu son style et que ce serait plus bénéfique pour les gens, hein. Et en réalité, lorsqu'on écoute aujourd'hui le Cheikh Rabi', on remarque qu'il a beaucoup adouci son style de toute façon, même s'il reste toujours aussi clair et aussi puissant dans ses réfutations contre les gens de Bid'a, mais on voit que quand même il a écouté cette nasiha, et en même temps le Cheikh il dit, mais en ce qui concerne sur le plan de la science et de la connaissance de l'islam, il n'y a aucun moyen de critiquer cet homme, il n'y a aucune façon qu'on peut critiquer cet homme quand on parle des questions qui ont rapport avec le ilm et la science de l'islam. Donc, il y a d'autres exemples, il y en a beaucoup d'autres citations. Le Cheikh il a dit par exemple, il dit وَكَتَبَ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهِ. Je pense qu'on va terminer avec ça peut-être, ou bien sinon peut-être il y a une autre citation, une dernière citation après. Il dit وَكَتَبَ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهِ مُعَلِّقًا عَلَى كِتَابِ الشَّيْخ رَبِيعَ الْعَوَاصِمِ مِمَّا فِي كُتُبِ سَيِّدْ قُطُبْ مِنَ الْعَوَاصِمِ مِنَ الْقَوَاسِمِ كل ما رددته على سيد قطب كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فست ستاسيون دو شيخ الألباني كي لا منسوني dans le commentaire qu'il a écrit au début de son livre, au début du livre du Cheikh Rabi' al-Awasim, Mimma fi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Ça c'est un des bons livres aussi que Cheikh Rabi' a écrit, hein, pour réfuter les erreurs de Sayyid Qutb. Hein, ça c'est un livre vraiment incroyable, il y a un livre vraiment fort, et c'est dommage qu'il n'ait pas traduit en français, mais peut-être un jour il sera, Inch'Allah, traduit. Et qu'est-ce qu'il dit ce livre, qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Albani à l'introduction de ce livre? Il a dit tout ce que Cheikh Rabi', il s'adresse à lui directement, parce que c'était une lettre qu'il lui avait écrite. Il dit tout ce que tu as mentionné comme réfutation de Cheikh de Sayyid Qutb dans ton livre, c'est vrai et c'est correct. Et on peut voir, c'est là que ça devient clair pour tout musulman qui lit ce livre-là et qui a un minimum de culture islamique, que Sayyid Qutb n'avait pas une connaissance de l'islam, ni de ses fondements, ni de ses branches. Hein. Donc, ça c'est un exemple des citations de Cheikh Al-Albani à ce sujet-là. Il dit « فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَيُّهَا الْأَخَ الرَّبِيعُ عَلَى قِيَامِكَ بِوَاجِبِ الْبَيَانِ وَالْكَشْفِ عَنْ جَهْلِهِ وَانْحِرَافِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ » Regardez qu'est-ce qu'ils disent, subhanallah. Ils disent « Donc que Allah te récompense en bien, ô notre frère Rabi', pour qu'est-ce que tu as fait, qui était obligatoire de faire, de clarifier et de démasquer son ignorance et sa déviation de l'islam. » Subhanallah. Donc les gens qui pensent que c'est juste là, Cheikh Rabi' qui a réfuté cette Qutb, ça c'est un mensonge en plus. Parce que la plupart, tous les grands ulama, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, et les autres ulama de l'Arabie Saoudite, ils ont tous écrit des fatwas, ils ont tous des fatwas pour réfuter Sayyid Qutb. Et il y a même des frères qui ont rassemblé ces fatwas là dans un livre et qui l'ont publié maintenant pour montrer que c'est pas vrai que c'est seulement Sayyid Qutb que c'est seulement Cheikh Rabi' qui a critiqué Sayyid Qutb, mais Cheikh Rabi' il a fait un travail en ce qui concerne les livres de Sayyid Qutb. Il a fait un travail que d'autres lamas n'ont pas fait. C'est-à-dire, il a étudié ses livres, il a fait sortir toute l'ignorance et l'égarement qui était dedans. Parce que beaucoup, comme le Cheikh Rabi' le dit lui-même, beaucoup de jeunes parmi les salafiyins ont été trompés et séduits par les livres de Sayyid Qutb. Et en particulier en Arabie Saoudite, parce que ces livres étaient distribués en Arabie Saoudite d'une façon incroyable. Les Ikhwan avaient réussi à s'infiltrer en Arabie Saoudite dans le système d'éducation, puis vraiment ils profitaient du fait que ils étaient camouflés pour faire passer leur da'wah par en dessous du tapis, comme on dit. Mais c'est par la suite quand on a vu apparaître leur déviation de plus en plus clairement, que là les ulama l'ont réfuté. Et il y a aussi la parole de Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen aussi qui est intéressante. Si vous voulez, je vais même en lire une partie. Hein? Oui. Non, Cheikh ibn Uthaymeen, on lui a demandé, فقد سئل فضيلته عن الشيخ ربيع كما في شريط الأسئلة السويدية فقال أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا والرجل صاحب سنة وصاحب حديث. Regardez, on lui a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymeen à propos du Cheikh Rabi'. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, en ce qui concerne le Cheikh Rabi', il dit, je ne sais à son sujet que du bien. Et c'est un homme qui est un homme de sunnah et un homme de hadith. Hein? Et il dit dans une autre cassette, wa qala rahimahullah, fi sharitin ithaful kiram, wa huwa sharitun sujjila fi unayza, ba'da muhadarati al-Sheikh Rabi', fiha bi'unwan al-i'tisam bil-kitab wa-sunnah, وقد كنت برفقته برفقة الشيخ ربيع في تلك الرحلة وحضرت هذا اللقاء. Le frère qui a rassemblé ces paroles-là, il a dit que ça c'était une conférence qui avait été enregistrée sur cassette à la ville de Unayza à Qassim, et c'est une conférence que le Cheikh Ravi avait donnée avec le titre de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Et il dit qu'il était présent lors de ce voyage et lors de cette rencontre. Et il a dit, إِنَّنَا نَحْمَدُ اللَّهِ أَنْ يَسَّرَ لِأَخِينَا الدَّكْتُورَ رَبِيعِ بْنُ هَادِي الْمَدْخَلِ أَنْ يَزُورَ هَذِهِ الْمَنْطِقَةِ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُمُورِ أَنَّ أَخَانَا وَفَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ عَلَى جَانِبِ السَّلَفِيَّةِ طَرِيقُ السَّلَفِ ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم يضاد لغيره من المسلمين، ولكني أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه، ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة ما يضاده، ونحن نعلم جميعا أن التوحيد هو أصل البعثة التي بعث الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام، وزيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة لا شك أنه سيكون له أثر يتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق الأنان اللسان، وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على صواب. Il dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a facilité à notre frère, le docteur Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, de visiter notre région pour que tout le monde puisse savoir ce qui était caché, ou que ce qui était caché pour certains, hein, de certaines affaires, que notre frère, que Allah lui donne le succès, à moi et à lui, hein, et sur la voie des salafs, la voie des salafiyas. Et je ne veux pas dire par la salafiyas que c'est un groupe qui est établi et qui s'oppose aux autres groupes parmi les musulmans, mais je veux dire par la salafiyas qu'il est sur la voie des salafs dans son manhaj, et en particulier dans l'établissement du tawhid et dans le rejet de ce qui s'y oppose. Hein. Et il dit, et nous on sait tout ce que le tawhid, c'est le fondement pour lequel, hein, Allah avait fait venir ses messagers, hein, que la paix et le salut, hein, soit sur eux. Et il dit que la visite de notre frère le Cheikh Rabi' dans notre région, et en particulier notre pays, notre ville Unayza, il n'y a pas de doute que ça va avoir un bon effet, et que ça va faire comprendre, et ça va faire devenir clair pour beaucoup de monde qu'est-ce qui était caché, hein, parce qu'il y en a des gens qui faisaient des fausses rumeurs au sujet du Cheikh Ibn Uthaymeen, et qui critiquaient le Cheikh Rabi' dans cette région-là, à Unayza et à Qassim. Yani quand le Cheikh, par exemple, Cheikh Saleh al-Suhaimi est allé dans cette région-là pour faire une conférence, eh ben, les gens, ils ont tellement, il y a un groupe de Hizbiyin qui sont allés là-bas, ils faisaient tellement de bruit durant la conférence, ils faisaient du bruit, ils commençaient à crier et tout, puis après ils se sont levés, puis ils ont renversé la table, hein, où le Cheikh était en train de faire sa conférence, le Cheikh Saleh al-Suhaimi, ils ont même fait tomber les lunettes du Cheikh, yani. Donc c'est pour vous dire, à chaque fois que le Cheikh commençait à parler, il commençait à crier des mots, à faire du bruit très fort, yani. À plusieurs reprises ils ont fait ça, et ça c'est enregistré. Et ils ont fait la même chose au Cheikh Mohammed Ahmed quand il est allé à Riyad. À chaque fois qu'il commençait à parler, il commençait à faire du bruit, puis même ils ont même essayé de frapper le Cheikh. Non. Donc ça c'est des exemples. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, il était là lors de la présence du Cheikh Rabi, donc ils n'ont pas pu faire cette chose-là. Et ils ont vu que le Cheikh Ibn Uthaymeen était là et il supportait le Cheikh Rabi. Donc le Cheikh il dit, ثم قال أحد الحاضرين في الشريط نفسه ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع فأجاب رحمه الله تعالى الظاهر أن هذا سؤال لا حاجة إليه وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية رحمه الله جميعا فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله وما زال ما ذكرته في نفسي حتى الآن ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيل الإنسان محبة له ودعاء له. الشيخ يقول que lorsqu'il était là-bas, là il y a quelqu'un qui a posé la question. Parmi les gens qui étaient là-bas, il y a quelqu'un qui a posé la question au sujet des livres du Cheikh Rabi. Le Cheikh a dit, il pose la question à Mohammed, au Cheikh Ibn Uthaymeen à propos des livres du Cheikh Rabi. Et le Cheikh, il a répondu, il a dit, cette question-là, on n'a aucun besoin de la poser. Il dit, pourquoi on n'a pas besoin de la poser? Parce qu'il dit, c'est comme quand on a demandé à l'imam Ahmed au sujet de Ishaq ibn Rahouya. Hein? Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, à moi, on demande à propos de Ishaq, hein, de l'imam Ishaq ibn Rahouya, il a dit, demandez à Ishaq qu'est-ce qu'il dit de moi. Hein? Donc c'est comme s'il voulait dire, ne me demandez pas à propos du Cheikh Rabi, demandez au Cheikh Rabi ce qu'il dit de moi. Hein? Donc, Inch'Allah. Et il dit, j'ai parlé au début de la conférence à ce sujet-là, il dit que j'ai dit ce que je savais de Cheikh Rabi, et tout ce que j'ai dit au début, je l'ai encore en moi-même maintenant, et même que, depuis qu'il est venu, et quand je l'ai entendu parler, et ce que j'ai entendu à ce sujet-là, maintenant, ça, il n'y a pas de doute que ça a fait uniquement augmenter, hein, ça fait juste augmenter à une personne l'amour qu'il a pour lui, et le dua qu'il a pour lui. Donc ça c'est des exemples, et il y en a beaucoup d'autres dans le livre est rempli, et il y a beaucoup d'autres, wa alaykum salam wa rahmatullah, et il y a beaucoup d'autres citations yani, à ce sujet-là. Et une fois même j'étais en train de parler avec des frères même à Montréal, et on était en train d'écouter un fichier audio, puis parmi les frères qui étaient là, il y en avait un qui était yani, penchant, avait un petit penchant vers les Hizbiyin et les gens de Bid'a. Et on lui a fait entendre une parole du Cheikh Al-Fawzan. Et dans cette cassette, dans cet enregistrement, le Cheikh Fawzan, il parlait et il mentionnait les gens de qui on devait lire leurs livres et auxquels il faisait confiance. Et il a mentionné parmi eux Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Et j'ai vu dans son visage, à celui-là, celui qui avait un penchant pour les gens de Hizbiyya, eh ben, j'ai vu dans son visage qu'il n'a pas aimé d'entendre que Cheikh Fawzan a dit du bien et a incité les musulmans à lire ses livres. Donc c'est pour vous montrer qu'alhamdulillah, les ulama qui sont sur la sunna, parmi les plus grands ulama de notre époque, ils sont tous yani, en paix et en confiance avec le Cheikh Rabi', et ils aiment le Cheikh Rabi', et ils mentionnent uniquement que du bien de lui. Donc aujourd'hui, si tu vois que celui qui essaie de d'attaquer le cheikh et dire du mal de lui et des choses de ce genre, alors on voit tout de suite que yani, c'est une personne qui est sur la bid'a. Comme les gens disaient à l'époque à propos des grands imams, celui qui le déteste, ça veut dire qu'il est une personne yani, qui n'est pas un sahib sunnah, qui n'est pas sur la sunnah, et c'est un signe qu'il est sur la bid'a. On peut dire ça aujourd'hui, même aujourd'hui on peut dire ça à propos de ceux qui opposent les ulama, qui réfutent les gens de bid'a et qui réfutent les innovateurs et les gens qui sont déviés. Et donc celui qui, même il y a d'autres qui ont, il y a plusieurs chouyours qui ont dit ça, que de détester le chef, c'est un signe que quelqu'un a un amour pour les gens de bid'a et qu'il déteste ou qu'il n'aime pas les gens de la sunna. Donc ça c'est un point. Il y en a qui accusent le chef, ils disent ah le chef, Cheikh Rabi'a, il a déclaré ou il a fait le takfir de Sayyid Qutb, comme certains ont essayé de prétendre une chose pareille. Et il n'y a pas de doute que ça c'est un mensonge, une calomnie au sujet de Cheikh Rabi'a. Cheikh Rabi'a lui-même, il a refuté cette chose-là. Il a mentionné que c'était pas vrai lui-même. Et eux, ils se basent sur le fait que, parce que même j'ai écouté une cassette de Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, et Cheikh Al-Albani lui racontait son histoire qu'il avait eue avec Abdullah Azzam. À une certaine époque, les Ikhwan en Syrie ou en Jordanie, ils ont interdit à leurs membres d'aller assister au durus ou de donner le salam au Cheikh Al-Albani. Et donc Abdullah Azzam faisait partie des gens qui allaient souvent des fois écouter le Cheikh Al-Albani. Mais à partir de ce moment-là, Abdullah Azzam avait cessé d'assister aux durus de Cheikh Al-Albani, et quand il le voyait de loin, il changeait de chemin. Alors à un moment donné, Cheikh Al-Albani dit qu'il est arrivé face à face avec Abdullah Azzam. Et là il lui a dit, est-ce qu'ils t'ont dit de ne plus dire le salam et de ne plus venir aux durus? Il a dit, Cheikh, j'ai pas le choix, yani. Parce qu'il faisait partie des Ikhwan. Il est obligé d'obéir à leur chef, hein, même si qu'est-ce qu'il leur donne c'était contraire à la vérité. Donc, il n'y a pas le choix. Et il dit, mais pourquoi ils disent de plus me dire le salam et tout ça? Il dit, Cheikh, ils disent que tu dis le takfir de Sayyid Qutb. Ouais, même Cheikh Al-Albani, avant Cheikh Rabi, il l'accusait qu'il faisait le takfir, hein, de Sayyid Qutb. Il a dit, mais pourquoi il dit ça? Il dit, Cheikh, vous dites qu'il a dit Al-Qawl bi Wahdat al-Wujud dans son tafsir. C'est-à-dire, vous avez, il dit à Cheikh Al-Albani, tu as dit à propos de Sayyid Qutb qu'il a rapporté ou qu'il a supporté la parole de Wahdat al-Wujud, la Aqidah des Soufis, ceux qui disent que Allah et la créature c'est une seule et même chose, qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Ça, on le retrouve dans le tafsir de Sayyid Qutb, dans l'explication de Surat al-Ikhlas et dans d'autres endroits de son tafsir. Et ça, beaucoup de choses l'ont dit. Et même Cheikh Al-Albani l'a dit et d'autres encore. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Athaymin, Cheikh Fawzan. Donc, quand il a dit ça, il a dit, ah, mais si, ça y est, tu as dit qu'il a dit Wahdat al-Wujud, donc Wahdat al-Wujud c'est kufr, donc ça veut dire que tu dis qu'il est kafir. Et on connaît tous le principe, hein, les ulama ils le disent tout le temps, c'est pas parce que quelqu'un a dit une parole de kufr qu'on fait le takfir de cet individu-là en particulier. Parce qu'il y a toujours une distinction entre al-takfir al-am ou al-takfir al-mu'ayyan. L'individu en particulier, il a peut-être une excuse. Il peut être excusé pour différentes raisons, soit parce qu'il était ignorant, soit parce que, il y a les raisons que les ulama mentionnent, hein. Et donc lui, le chef, il dit, son état, peut-être qu'il a fait tauba avant sa mort, hein, on sait pas. Mais, l'erreur qu'il a dit, et les erreurs qui sont dans son livre, il faut les réfuter. Et il faut répondre à ces erreurs-là, parce qu'elles sont propagées, le livre continue d'être édité tout le temps et publié. Et si les gens continuent à lire ça, ils peuvent être trompés par ces erreurs, puis tomber dans l'égarement à cause de ça. Donc, les ulama, ils continuent tous à critiquer. Mais l'accusation de dire qu'il fait le takfir, et des choses de ce genre, ça c'est complètement faux. Hein. Wallahu al-musta'an. Et donc, on va arrêter ici pour ce sujet-là. C'était juste pour clarifier, parce que je sais que, des fois, il y a des gens qui font des choubouhats, et qui critiquent, et qui parlent, Et donc c'est pour que les gens soient un peu au courant à ce sujet-là. Naam. Juste un instant. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.